kendim blacky, homie micro comme Uzi. 6-7, rapace productif comme Uzi. Pète la tête de Blackjack, 9-3, pète la tête de Blackjack, rafale de frappe. A la calage, côté le mono, top dans mon 4-4. Kenzen Blacky, au micro comme Uzi. 6-7, rapace productif comme Uzi. Pète la tête de Blackjack, 9-3, pète la tête de Blackjack, rafale de frappe. A la calage, côté le mono, top dans mon 4-4. Débarque France Carros analgésique. Celui que je me sens comme un paraplégique. Avec mes temps X-Men, je me sens comme chaque Xavier Noir, Nécro, Jouvre Académie. Illuminati comme un Gavelli. Laisse la concurrence en état cadavérique. Mes sauvages viennent d'Afrique, négro pas d'Amérique. Si on est gros, it's sec. Si, si, c'est Black Syndicat. Niveau 3, qui fait ma face. Nadem, Sprite, sale, ça t'y va, Indica. Tu vas confirmer jusqu'à l'OD. Je suis à distance à la Kobe. Avec mes loups, passe la nuit à rôder. Hiéroglyphe sur prod, qui vient d'assauder. Gardien. Je me sens comme une pharmacie ambulance. Troisième guerre, attaque drone sur hôpital et ambulance. Pense au futur, gardien, mais c'est ce qui est inquiétant. 2014, on approche de la fin des temps. Shenzhen, Blacky, au micro comme Uzi. 667, rapace productif comme usine. Pète la tête de Blackjack, 9-3, pète la tête de Blackjack, rafale de frappe. A la calage, coquel mono, top dans mon 4-4. Shenzhen, Blacky, au micro comme Uzi. 667, rapace productif comme usine. Pète la tête de Blackjack, 9-3, pète la tête de Blackjack, rafale de frappe. A la calage, coquel mono, top dans mon 4-4. Frappe dans la fusée, remplace, fait tourner le dolé. Sans trace, liquider ce fumier. Al-Qaïda, ouais, tu reconnais. Dangereux comme Oussama. Ma gueule, bichaveur de salade. Sale gueule, c'est au sous qu'on ramasse. Ta gueule, fais fou, on te balade. Repète l'euro pour la grosse carte. Tête de Jack, repète le grognasse. Mais t'es au lit si tu veux billard. Qu'est-ce qui se putain de passe? Zéro net dans le cantar. Zéro guestra sont dans le placard. Diwala qui s'est fait radar. Tawa en direct du Dakar. Kikiriot, coco, sur la navette, gâche, pas lieu, coupé, tire la gâchette. Dans le camion, 9-3, elle est gros pec, je j'écrase dans le cou, elle a kiffé la zec. Prends des gilets, vite ta casquette, j'arrive en France, on dit ta comète. Chargé, t'as fait rouler la gros pète, monnaie, gain, t'as lâché dans le croquet. Shenzhen, Blacky, au micro comme Uzi. 667, rapace productif comme usine. Pète la tête de Blackjack, 9-3, pète la tête de Blackjack, rafale de frappe. A la calage, coquel mono, top dans mon 4-4. Shenzhen, Blacky, au micro comme Uzi. 667, rapace productif comme usine. Pète la tête de Blackjack, 9-3, pète la tête de Blackjack, rafale de frappe. A la calage, coquel mono, top dans mon 4-4.